aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Oh, comment il était pas marrant? Mais il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir, bonne fête et joyeux Noël et bienvenue dans la salle 5. J'espère que vous êtes bien assis sur votre siège numéro 42 parce qu'aujourd'hui c'est sous de nombreuses guirlandes et dans des pulls bien chauds qu'on vous présente une séance spéciale. Et quand je dis « on », je veux bien entendu dire que je suis accompagnée de Victor. Bonjour Victor. Salut, salut, joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à toi aussi. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés qu'à deux. Sur une échelle de 0 à 10, ton niveau de festivité. Mon niveau de festivité, il est à 12. Oh putain, moi il est à 1000%. D'ailleurs, cette émission, vous l'aurez pas avant Noël. Vous l'aurez pas non plus à Noël. Ah bah non, vous l'aurez après Noël. Parce qu'il faut faire durer l'esprit de Noël et qu'on est là pour ça. Ouais, parce que Noël, c'est tous les... ça doit être tous les jours. On est des grands enfants et on partage des cadeaux à tous. C'est pas que le 24 ou le 25 décembre, c'est tous les jours. Mais du coup, on va parler de beaucoup d'ampoules, de beaucoup de lumière et de deux vieux qui se font chier à Noël. Aujourd'hui, on vous présente Voisin contre Voisin. Le docteur Stephen Finch vivait bien tranquille. On a toujours tous le même pull sur la photo de notre carte de Noël. Jusqu'à l'arrivée de son nouveau voisin. Oui, je veux vraiment qu'on voit ma maison depuis l'espace. Désormais, ces deux voisins ne se feront pas de quartier. Prenez-en de la graine. Belle bosse en perspective. Et cette fois, il n'y aura pas de place pour deux. Secret. Tu veux que ça brille? Ça va briller. La comédie la plus allumée du printemps. Voisin contre voisin. Là, on va peut-être tomber d'accord tous les deux. Chérie, je peux être ton papa Noël? Papa? Seigneur, je suis ton papa. Les yeux! Le 30 mai, au cinéma. Réalisé par John Whitesell en 2006, avec un budget de 51 millions de dollars, et vous allez voir que c'est beaucoup pour ce que c'est, ce film, et qui n'a même pas réussi à rentabiliser tout ça, parce que les recettes encore aujourd'hui, c'est-à-dire 12 ans après, ils ont fait que 46,8 millions de dollars. Ils vont pas avoir beaucoup de cadeaux de Noël, ils ont pas dû avoir de cadeaux de beaucoup. Ils ont pas pu... Non putain, mais 12 ans après, ils ont toujours pas remboursé leur film. On aurait pu choisir tellement d'autres films de Noël, on aurait pu choisir une comédie romantique bateau où une businesswoman d'une grande ville retourne dans son village et tombe amoureuse d'un père de famille veuf comme tous les films de Noël qui passent à la télé. Mais non, nous on a choisi à la place de regarder ça qui parce raconte... Que... Qu'est-ce que ça raconte d'ailleurs, Victor? Alors, c'est Danny DeVito et Mathieu Baudric Ah oui. Qui se font chier, tout simplement. C'est ça. Ils se font chier, surtout, ils dépriment. Surtout Danny DeVito. Et ils décident tous les deux de participer à l'émission de Valérie Damido où ils présentent leur fête de Noël, leur décoration de Noël. Et tous deux vont se faire la guerre pour savoir qui aura le meilleur, la meilleure déco. Mais c'est même pas ça en plus, parce que en fait, c'est un mec qui adore Noël, donc Mathieu Broderick, donc Ferris Bueller, il kiffe Noël, il a des traditions de Noël et tout. Et le 1er décembre, il y a Danny DeVito qui débarque dans la même rue que lui. Et lui, il en a rien à foutre de Noël, il veut juste être vu de l'espace. En fait, il veut décorer sa maison de plein de guirlandes, de plein de lumières, pour pouvoir être vu de... C'est de l'espace. C'est vrai que c'est ça aussi l'enjeu. Et en plus, hein. Non, c'est même pas de l'espace. C'est sur Google Earth. Ouais. Sur My Earth, parce qu'ils ont pas eu les droits de dire Google Earth. Et c'est pas de l'espace, lui. Il est en mode, je vais être vu de l'espace. Mais non, c'est pas l'espace, c'est Google Earth. C'est juste un concours de qui est la plus grosse, en fait, mais de Noël. Et c'est qui a le plus gros sucre d'orge. Ouais, merci, vous avez cette image maintenant. Qui a le plus gros sucre d'orge? Mais c'est deux hommes adultes qui se disputent, qui se disputent même pas pour la même chose, parce que juste Mathieu Broderick, ça le fait chier qu'il y ait quelqu'un qui mette des lumières sur sa maison, alors que logiquement il aime Noël. Donc logiquement, ça devrait pas le faire chier. Et alors qu'il fait chier sa famille en plus avec les mêmes traditions. Oh, putain, et... ouais, non mais alors, il y a... Il n'y a rien qui va, mais on va revenir sur plusieurs scènes, je pense, parce que j'ai trop de choses à dire. Mais qu'est-ce que t'en as pensé? déjà. Alors, bah... Moi, j'aime... tu vois, c'est le genre de film où tu sais que c'est un peu de la merde. Ah putain, oui. C'est... Mais de la merde, pas... C'est pas déshonorant non plus, hein. Tu vois que c'est vraiment le... T'avais pas Matthew Broderick et Danny DeVito au casting, c'est n'importe quel téléfilm qui c'est... passe sur TF1. Enfin, 51 millions quand même. Y a juste pas le on a juste pas le twist qu'on a à chaque fois qui est t'as un monsieur barbu qui donne des conseils au personnage et on apprend à la fin que c'est le Père Noël. Donc ça m'a un peu déçu. Je voulais ce twist dans tous les films de Noël. Du genre, ah, c'est ton père, il ressemble vachement au Père Noël et puis il s'habille en rouge tout le film, ouais. Mais à la fin tu découvres que bah c'est le Père Noël. Et ouais, quand tu le regardes en période de fête, c'est t'as ton petit pull de Noël, t'as du chocolat chaud, t'es près d'une cheminée ou de ton chauffage et c'est ça fait du bien quoi. Moi je sais pas, j'étais plus occupé à me demander ce que j'étais en train de regarder. Oui, non mais pareil. L'esprit de Noël et tout, la magie de Noël, moi je l'ai. Non, je l'ai pas du tout trouvé. C'est. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup trop de choses qui vont pas dans ce film. Si je devais faire une échelle de Matthew Broderick, donc de 0 à 10. Le 10, ça serait Ferris Bueller. Et le 0, ça serait ce film. Il est au bout de sa vie dans ce film. Mais le pauvre, ça se voit qu'il est au fond, du fond, du fond. Il joue comme une patate. On voit quand même qu'il a vraiment le seum qu'il n'y ait pas la magie de Noël, en fait. Oh, putain, c'est ça. Il n'y a pas la magie de Noël dans ses yeux. Hein. D'ailleurs, mais en vrai, casting assez BG, il y a Matthew Broderick et Danny DeVito, il y a Charlotte de Sex and the City, la femme de Matthew Broderick. Je suis pas expert de Sex and the City, malheureusement. Bah, c'est la femme de Matthew Broderick, ce qui est marrant d'ailleurs, parce que dans la vraie vie, il sort avec Carrie de Sex and the City, donc de oui, Sarah Jessica Parker. Que j'ai appris grâce à ça, c'est pas la petite anecdote. Il y a Danny DeVito et sa femme, c'est Christine Chenoweth. Oh. Et il y a... Alia Shawkat, la meuf qui était dans Arrested Development, oui, qui est la fille de Matthew Broderick, oui, dans le film. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle de la scène où il y a donc sa fille, tout son arc narratif, c'est que c'est un peu une intello et tout, et les filles de Danny DeVito. C'est un concept, tout ça, mélangeons-les, putain, ça aurait pu faire, ouais, mon dieu. Mais les filles de Danny DeVito, qui vont un peu lui apprendre genre à être sexy et tout, et il y a la scène où elle danse en sexy Mère Noël, et pendant tout le film, Danny DeVito et Matthew Broderick, ils se disputent, ils sont jamais d'accord sur rien, c'est les pires ennemis du monde. La première fois qu'ils s'entendent sur quelque chose, c'est sur du harcèlement de rue de meufs, ils sont en mode « Ah, t'es bonne, et regarde la petite pépée et tout », et au final quoi ? C'est leur fille, et c'est horrible ! Ah, je crois que j'ai dû somnoler à ce moment-là. Ah mais mon dieu, vu. Cette scène, le pire c'est que c'est en public, ils sont entourés de tous les gens de leur quartier, ils sont en train de gueuler « Who's your daddy ?» et tout, et puis la meuf se retourne, et puis elle est en mode « Oh non, enfin c'est moi ton daddy !» Et la scène, juste après... Ils vont à l'église et ils se lavent les yeux avec de l'eau bénite. T'es sûr que tu racontes pas un épisode d'It's Always Sunny in Philadelphia là parce que. J'aimerais tellement, mais non, c'est vraiment dans le film. C'est un truc qui pourrait être dans It's Always Sunny, mais c'est vraiment dans ce film. Et d'ailleurs, j'en viens à cette question, mais c'est pour qui ce film ? Enfin, c'est qui l'audience, le public visé ? Parce que c'est pas un film familial. Bah, c'est ça qui m'a un peu surpris en fait, c'est que je m'attendais à un truc style. Je sais pas, moi, tu sais, tous les trucs style 13 à la douzaine, hein, c'est ouais, un truc produit par la Fox, tout, ouais. Fait avec sur la famille et tout, voilà. Il y avait pas Tom Welling et Steve Martin, malheureusement, mais je me suis dit, ouais, c'est... Y a, en fait, je pense que c'est un peu toutes ces... Il y a eu pas mal de films comme ça qui sont sortis à cette période où c'est des comédies, où c'est pour la famille. Mais pour que ce soit un peu edgy, un peu en mode ouais. Hey, on fait des blagues un peu proutes. Oh, il y a des blagues très très sexuelles aussi, oui. Et très limites. Genre même juste la première interaction entre Matthew Broderick et Danny DeVito quand le matin là devant chez lui, il y a une blague. J'ai écrasé un chat. Il dit est-ce que vous avez un chat ? Il dit bah non. Il fait ah bah heureusement parce que j'en ai écrasé un hier avec mon frigo. Mais what the fuck ? Il y a une blague érection et il y a une blague striptease. Dans la même interaction, dans le même dialogue. Et à ce moment-là, j'étais en mode, mais c'est un film pour les enfants, c'est un film pour la famille, c'est pour qui mais ce film ? Parce que plus, c'est il est passé, je crois qu'il est passé, Il est passé il n'y a pas très longtemps sur RTL9. Oui, il est passé. Juste après ouais. Beethoven 1 et Beethoven 2. Ah oui, donc c'était tard dans la soirée. Tu déjà. Dis, non, mais tu te dis, ouais, enfin c'est dans l'après-midi. Tu dis, ouais, ils prévoient, ils pensent quand même que c'est pour les enfants et tout. Je pense que ce sont surtout des blagues où les enfants, ils font... les enfants, je pense que c'est le genre de film où les enfants entendront ce genre de blagues. Enfin, si des gens l'ont vu en salle, hein, d'ailleurs. Mais, si en 2006, vous avez vu ce film en salle, dites-nous, parce qu'on veut savoir c'était quoi comme expérience. Et ils ont dû se dire, les enfants, mais s'il veut dire quoi, le petit monsieur... le petit ouais, monsieur bon, chauve, il, veut, il voulait dire quoi On dirait un petit troll. Non, mais il y a une blague, genre... À un moment où Ferris Bueller, il est enfin Matthew Broderick, il est en hypothermie ou je sais pas quoi, et ils se mettent tous les, enfin Danny DeVito, il met dans un sac de couchage et il se met avec le oui poil ah, oui. pour lui tenir chaud parce que soi-disant genre la température corporelle, je sais pas ah, quoi. Ouais. Mais enfin ça, t'as un enfant, mais tu vois Danny DeVito à poil qui est en mode ah, viens là et tout, c'est en mode what. Il y a aussi la blague. Un truc qui m'a... Ça m'a vraiment... J'étais en colère quand j'ai vu ça, en vrai. C'est, bah, déjà, la scène avec les filles qui dansent en Mère Noël sexy, ça m'a... C'était vraiment... Genre, le nom... C'était même pas... Genre, j'étais... Au départ, j'étais en mode, mais quoi ? Mais après, j'étais vraiment énervée. Mais une autre scène, je sais pas, t'as peut-être somnolé pendant cette scène aussi. La scène avec le flic, le shérif, quand oh. il veut aller déposer une plainte et qu'il voit qu'il porte un soutif... Et qu'au départ, le flic, il est en mode « Non, non, c'est pas ce que tu crois et tout. » Et du coup, Matthew Broderick, il est en mode « Ah, ça va. Ah, » Et après, ouais. il se baisse et il voit qu'il a un string. Et du coup, il est en mode « Oh, non. » Et puis, il s'en va. Oui. Et puis, cette scène, elle sert à rien. Et puis, elle... Quoi ? On mais dirait du niveau Scary Movie, ça. Ah, mais c'est... Bah, d'ailleurs, il y a la même vanne dans Scary Movie, je crois. Bah, c'est... Ouais. ouais. Donc, peut-être que c'est les frères Wayans qui ont écrit ça. Bah, le mec qui l'a réalisé, il a réalisé Big Mama 2. Ah ouais, on est dans du, on est dans du bon niveau, du lourd, hein. là. Et le gars qui l'a écrit, il a aussi travaillé sur, je sais plus si c'est Big Mama 2 ou 1, ou un autre Big Mama, mais c'est aussi sur... Enfin, on est sur du ce cinéma niveau-là. Cinéma de qualité, ouais. La pure qualité. Et d'ailleurs, en parlant de qualité, est-ce qu'on en parle de le visuel de leur Google Earth ou pas ? Ah, c'est juste l'Amérique détourée, en fait. Et tu en vois fait, pas... c'est bah ouais, enfin je me suis... c'est tellement, même on peut le dire qu'on l'a ça aussi maintenant quand ils veulent parler de smartphone ou de Facebook ou tout. Quand ils font des faux oui, réseaux c'est sociaux trollé. Ou des faux sites, c'est vraiment affreux. Et je me souviendrai sur moi l'époque où vraiment Facebook, quand il y avait encore jadis MySpace, et ben quand on faisait des faux sites genre SpaceTime ou genre de ouais on changeait, c'est genre trollé. On inversait les noms, mais là en plus ça n'a pas de sens parce qu'il dit qu'il veut être vu de l'espace, mais Google Earth c'est rien qui va. Il dit qu'il veut être vu de l'espace, mais il veut juste être vu de Google Earth, mais alors que sur Google Earth normalement on voit toutes les maisons, t'as pas besoin ouais. d'éclairer ta maison à fond. Et en plus, mais au final leur Google Earth, on voit même pas couleurs. Les maisons. C'est pour qu'il y ait des couleurs, ouais. c'est un peu le Wes Anderson de la maison de Noël, il veut qu'il y ait des couleurs. Et à la fin, quand il arrive, ouais parce que spoiler alert, à la fin... Il y arrive. À la fin, il y arrive, alors... Avec Calped, d'ailleurs... Calped qui est en avec KB. Avec un accent british. Ouais. Je sais pas, c'est si vous savez pas qui est Calped, c'est l'Indien de Doctor House. Kuttner dans Doctor House, qui nous a tous mis en PLS... oui. Pour ouais. son sort à la dans la dans pauvre en Calpen. Pleine saison. Mais ouais, donc c'est Calpen qui travaille chez Google Earth. Et à la fin, donc il arrive à... Danny DeVito arrive à éclairer sa maison comme il veut et être vu de l'espace, entre guillemets. Et en fait, tu revois que sur leur écran, dans les bureaux de Google Earth, ça fait genre les États-Unis détourés. Et ça fait un faisceau lumineux, mais genre ça éclaire les gens qui regardent leur écran. Ils doivent détourner le regard tellement ça les éblouit, mais c'est pas possible. C'est n'importe quoi. Mais c'est la magie de Noël. Ah, mais d'ailleurs, en parlant de la magie de Noël, en vrai, bon, ok, j'ai détesté ce film. Enfin, genre, c'est pas le film que je regarde pour me mettre dans l'esprit de Noël et je pense pas que je le re-regarderai un jour. Mais à la fin, en vrai, la morale, elle aurait pu être cool parce qu'à la fin, en fait, ils deviennent amis, ils deviennent copains. Ouais, malgré tout, leur péripétie et leur... Ils recommencent à zéro. Ils recommencent à zéro, même s'il a essayé de cramer sa maison, s'il y a eu plein de vols, de sapins qui brûlent, de merde entre eux. Ils arrivent quand même à se réconcilier et au final, donc il y a tout le quartier, toute la ville qui se démène un peu comme dans les maçons du cœur, tu vois, pour... Move the bus. Bouge le bus. Et il se démène pour, au final, mettre des, enfin, faire la déco lumineuse qu'il veut sur sa maison, mais ça marche pas. Mais il se rend compte que bah, c'est pas ça la magie de Noël. La magie de Noël, c'est la famille, c'est le partage et tout, c'est d'être tous ensemble. Et il chante une chanson et c'est beau et tout. Et puis ça aurait pu être ça la fin, et ça aurait été mieux, tu vois. Enfin, je trouve, ça aurait été vraiment une, enfin, ça aurait été une jolie morale. Et en fait non, le gamin il se rend compte que juste c'était mal branché, et du coup il rebranche le truc et ça fonctionne, et au final bah du coup il gagne le concours de qui est la plus grosse, et puis il est en, et puis ouais, sa femme, mais... il est en mode regarde, t'as réussi, maintenant t'es plus invisible, t'es quelqu'un, et non. Mais en même temps tu vois, tu te dis bon voilà, il réussit son truc, Danny DeVito au final il affiche son succès. Et Mathieu Broderick aurait pu faire un gnou gnou gnou, je suis Mathieu Broderick, je suis pas content. C'est un rageux dans ce film. Je suis en pas... plus. Ouais, mais oui, mais c'est tellement un rageux, c'est ouf. Hein. Maintenant, je crois que chaque fois que tu vois Mathieu Broderick dans un film ou une série, c'est pour faire la rageux. Mais c'est horrible parce que je l'aime tellement en plus. Enfin, Ferris Bueller et War Games, c'est deux de mes films préférés de toute ma vie. Et Mathieu Broderick, c'est vraiment un acteur, enfin, à cette époque-là, en tout cas, avant 2006, avant ce film, c'est vraiment un acteur, enfin, c'est un acteur de ouf, et il est trop attachant, et il a vraiment une gueule et tout, enfin, je l'aime trop, et là, tu le vois, et tu vois qu'il ça va plus, quoi. C'est... Bah, dans tous ces autres films, le dernier film où je l'ai vu, il a un petit caméo dans Manchester by the Sea. Ah ouais? Et parce qu'en fait, il a produit le film, produit le film et il joue dedans, et. Putain, son rôle, c'est Sumland, quoi. En même temps, Manchester by the Sea, c'est oui, Sumland. C'est un peu c'est Sumland. Aussi un film que je regarderais pas pour mettre dans la magie de Noël. Que j'ai vu, il y a 2 ans, en période de Noël. Ah, il est sorti donc, à Noël. Il est sorti à Noël, donc... Ah, ça serait bien que Matthew Broderick fasse que des films de Noël maintenant. Mais genre des films de Noël bien, pas comme celui-là. Est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire sur ce film? Est-ce que tu le recommandes? Est-ce que t'as envie de parler d'une scène dont on n'a pas parlé? En vrai, il y a tellement de scènes dont je voudrais parler, mais bah, on n'est pas là ouais, pour alors, moi... Noël, on est là pour faire durer la magie de Noël. Ouais, alors on va faire partager la magie de Noël un peu plus. Moi, en fait, j'ai pas envie de défoncer ce film. Mais moi, je le défonce pas parce que... Par contre... J'aime bien Danny DeVito, il moi a une aussi, bouille adorable dans le film quand même. Ouais, il est... C'est 2006, quoi, mais moi, je trouve pas ce film... assez nul pour qu'il soit bien, tu vois. Ouais. Je trouve vraiment... Mais, enfin, quand sur mes notes, il n'y a que des points d'interrogation. Je comprenais pas ce que je regardais. Et en fait, j'essayais de comprendre pour qui était ce film. Je trouve pas... C'est pas un je trouve pas que ce soit un film de Noël. C'est un film qui se passe à Noël, mais je ressens pas la magie de Noël. Ouais, à part la chanson Elle. À la fin, quoi. C'est comme Elle de Paul Verhoeven, ça. C'est moyen un film que tu regardes pour te mettre dans la magie de Noël. Ça se passe à Noël. C'est d'ailleurs très drôle dans la manière de montrer Noël. Ouais. Mais... C'est pas un film de Noël, c'est... Bah, y a moyen, c'est moyen le partage et, ouais. Et être ensemble et, ah bah ça, et s'aimer et tout ça, enfin, c'est, ouais, c'est moyen. Mais est-ce que titre québécois, à ton avis, le titre québécois, qu'est-ce que ça peut Alors, dire? Attends, c'est Deck the Halls. En anglais, ouais, en anglais. Attends, il faut que je trouve... C'est vraiment nul, hein. Juste un indice, c'est à chier. Les boules de Noël ou un truc comme ça. Ça aurait été mieux. Ça aurait été tellement bien. Non, c'est à vos marques, prêt, décoré. Ce qui n'a rien à voir avec le on film. Dirait une émission, on dirait une petite démission de TF1 avec Valérie Damido et Jean-Luc Reichmann. J'avoue, on dirait l'émission de Davido. Elle aurait dû s'appeler comme ça. D'ailleurs, Deck the Halls, il y a un peu un... Enfin... C'est un double sens, et le titre original c'est Deck the Halls, parce que c'est la chanson de Noël, donc Deck the Halls, que vous entendrez à la fin de ce podcast, et aussi parce que dans le film, Danny DeVito il s'appelle Buddy Hall, et Deck, c'est un peu, c'est une expression un peu pour dire genre frapper, donc du coup c'est un peu genre tataner Buddy Hall. Ah. Voilà. Buddy Hall, Danny DeVito qui en avait strictement rien à foutre de ce film, parce qu'il venait... Il tournait ses scènes, enfin ses répliques, et il se barrait en avion. je sais pas, pour ce qu'il foutait, mais bon. Est-ce que tu recommandes ce film? Ouais, c'est... Vraiment? Il est sur Netflix, si vous avez pas envie de regarder un truc déprimant, ou une série déprimante, ou un film déprimant, et que vous trouvez, vous tombez sur voisin contre voisin. oui, vous pouvez regarder ça, c'est... Ouais. C'est un peu nul, mais ça passe. Moi, pas trop. disons, si c'est pas le film qui va m'aider à me mettre dans l'ambiance des fêtes, quoi. C'est pas... Si vous êtes contraint et forcé, peut-être, mais je pense qu'il y a tellement d'autres films qui peuvent nous aider à nous mettre dans l'esprit de Noël, qui peuvent nous transmettre la magie de Noël, d'ailleurs. D'ailleurs, on va y venir tout de suite. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. Évidemment, on va pas vous laisser comme ça parce que c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année. Et on a plein de films dans notre hôte. Voilà, exactement, on a plein de films dans notre hôte, comme tel le Père Noël, tel la Mère Noël, c'est le partage. Même si je vous recommande pas ce film, en tout cas, on va vous recommander tout plein d'autres films qui donnent l'esprit et la joie de Noël, qui donnent la magie. Lesquels tu recommanderais, Victor ? Alors, premièrement, un classique que vous avez déjà tous peut-être vu, ou alors que vous avez envie de faire découvrir à ceux qui auraient eu la malchance de pas le découvrir, qui est Gremlins de Joe Dante, qui est le premier film d'horreur pour enfants, qui est très très cool, qui est super fun. Ça fait peur, il y a des petits monstres méchants qui foutent la pagaille dans une petite ville américaine classique, ça sent le sapin, ça pue. Ça sent le sapin. Il y a des boules de... Il y a des enfants qui se prennent des boules de neige au début. On va au cinéma voir Blanche-Neige. On regarde des Disney à Noël. Il y a des pulls de Noël. Il y a des cadeaux de Noël. C'est très chouette. Est-ce que tu en as d'autres à commander ? Alors, pas vraiment un film de Noël, mais un film qui est aussi chaleureux, touchant à regarder en famille, et qui a Noël le temps d'une scène, c'est Lady Bird. Oh mon dieu. Si on cite tous les films où il y a une scène de Noël dedans, on n'a pas fini. De Greta Gerwig, qui je trouve est quand même un chouette film sur la famille, et qui peut... qui est parfait, moi, je trouve, pour ces fêtes. C'est... À savoir que Victor dit ça juste parce qu'il voit le DVD au loin de Lady Bird. Alors, il n'avait pas du tout préparé. Un autre film, c'est un peu connard cinéphile de dire ça, je trouve, mais c'est un peu vrai, c'est Die Hard. Oh, t'es tellement film Twitter. Je suis tellement film Twitter. Non, mais je trouve que c'est... Mais c'est, en vrai, c'est un des meilleurs... Si ce n'est le meilleur film de Noël, je trouve. Parce que c'est le meilleur film d'action, je trouve, et ça se passe à Noël, et il y a un Bruce Willis en grande forme et un Alan Rickman en très très grande forme. Ouais. Il nous manque beaucoup Alan Rickman. Un autre film de Noël que j'aime beaucoup et que toi aussi t'aimes beaucoup, c'est Carole. Ouais. Parce qu'on l'oublie trop souvent, mais c'est un film de Noël. Oui, c'est un film de Noël. C'est une très belle histoire d'amour, qui se passe à Noël, et puis voilà, si vous avez envie si vous en avez marre des téléfilms M6 et des téléfilms allemands sur Noël avec la même histoire d'amour en boucle, et ben regardez Carole. Un dessin animé de Noël, Mickey, oui. Il était une fois Noël. Ah, classique, vachement cool, classique absolu. Les Disney qui passent à Noël, on connaît tous ça. Mickey, il était une fois Noël. Mickey, il était deux fois Noël aussi, la suite. Un film qui est pas un film de Noël, et ça c'est totalement subjectif, c'est totalement personnel, mais un film tout doux qui se passe dans un endroit où il y a plein de neige, c'est La Marche de l'Empereur, un documentaire sur les manchots empereurs. Et alors ça peut totalement vous faire chier, parce que je reconnais que ça peut être très chiant, mais c'est tout doux, et c'est tout mignon, et c'est joli, et ça fait du bien. Moi j'aurais un dernier film auquel je viens de penser en voyant le DVD... au loin, mais je me dis que c'est... Enfin, deux films, même, d'un même réalisateur. On clash un peu trop souvent Tim Burton, je trouve, pour ce qu'il est devenu maintenant en tant que réalisateur. Ouais. Mais je trouve qu'il y a deux films de lui qui fonctionnent parfaitement pour les fêtes. C'est Ed Wood, tout d'abord. Je trouve que c'est un super film pour... un super film sur le cinéma et qui déborde de magie, je trouve. C'est vraiment un truc sur la magie du cinéma qui me touche. Profondément sur le fantastique, sur l'envie de faire du cinéma. Il y a un côté très bon enfant du personnage d'Ed Wood. Et c'est enfin un film qui... de Noël pour toi ? Je me souviens plus s'il y a Noël dans ce film. Ou bah, il n'y a pas forcément de Noël, tu vois, mais quand on... souvent, si on met, par exemple, quand on passe des films de Noël, tu sais, sur TF1, France 2 ou quoi, l'après-midi, je trouve qu'Ed Wood, ça pourrait être un super choix parce que c'est un... c'est un film qui pue l'amour, en fait. Ouais. Et l'autre film, bah, on en revient encore à ce cher Danny DeVito, qui est Big Fish. Celui... Danny DeVito, il est dans Big Fish ? Ouais, il joue l'espèce de Monsieur Loyal. Ah oui, c'est vrai ! Oh putain. Et ben, il joue dedans, et c'est aussi un super film sur les... l'histoire. Un autre film de Noël avec Danny DeVito, c'est Batman le défi aussi. Ouais, que je n'ai toujours pas vu, malheureusement. Il faut que tu vois, bah, c'est encore Noël, hein. C'est encore Noël. Même si c'est après Noël, c'est encore Noël, tu peux toujours le voir. La fenêtre n'est pas fermée. Est-ce que t'as d'autres films de Noël à recommander ? Il y en a tout plein, en vrai. Mais allumez la télé, vous verrez tous les Disney, les Picsou, les machins qui se passent à Noël. Et... la bande à Picsou qui passe sans année, ah, oui. Qui va sans arrêt. Et... J'adore. J'ai jamais vu le film en entier, mais à chaque fois, je tombais sur la fin du film, en fait. C'est soit le début, soit la fin. Voilà, c'est ça. Mais... ah si, j'ai un dernier film. Oh, parce qu'il y a une scène qui se passe à Noël. Et... enfin, il y a une séquence du film qui se passe à Noël et qui est importante même. C'est le Frangin Malgré Eux de Adam McKay. Je ne connais pas avec Will Ferrell et John C. Reilly. Ah oui. Énorme ouais. Classique absolu de la comédie américaine qu'on peut aussi regarder en famille et qui était à mourir de rire. L'histoire, c'est simple. Là, c'est plus familial que voisin contre voisin. Il n'y a pas de blague d'érection et, si et alors... de striptease et de père qui si, alors... sa fille. Il y a des blagues quand même. On bah, parle c'est l'humour américain. Des blagues où on... de scènes incroyables où on... Will Ferrell lèche une crotte de chien. Oui, mais c'est pas des blagues. Je trouve ma fille sexy et je vais me laver les yeux à l'eau bénite, quoi. Non, parce non, que ça, putain, c'est. J'en reviens, c'est j'en reviens. Hein, deux hommes enfants vraiment... de 40 ans qui vivent encore chez leurs parents. En fait, c'est un couple de. C'est, en fait, c'est deux cinquantenaires sexagénaires ouais. Qui se rencontrent, en fait. Et le truc, c'est que chacun a un fils qui a 30-40 piges. Et qui vit encore chez eux, en fait. Et les deux devenus demi-frères, du coup, vont devoir apprendre à cohabiter ensemble. Ils se détestent. Ouais. Mais après, ils deviennent amis et ils veulent faire des trucs de grands. Enfin, se débrouiller dans la vie. Ouais. Parce que les parents, bah, ils leur mettent un peu à pression en disant « Ouais, vous devez trouver un boulot et tout. » Et c'est à mourir de rire. C'est vraiment l'un des classiques. Et il y a Noël dedans ? Oui, il y a Noël dedans. Il me semble que j'ai vu... je me souviens de cette image de ce film où ils ont des pulls de Noël moches dessus. C'est ça. C'est ça. Ils ont des masques de Chewbacca et des points Hulk, tu sais, pour enfants. Il n'y a pas un film de Noël avec The Rock, par contre ? C'est ce que j'allais dire. J'aimerais tellement qu'il y en ait un film avec de Noël. La Fée des Dents, peut-être ? Ou Maxi Papa ? Bah, La Fée des Dents, on peut le regarder à n'importe quel moment. Ouais. C'est un film joyeux qui donne l'amour, la famille. Qui donne envie de perdre une dent pour que The Rock en fait des dents. Juste pour que The Rock se pointe chez toi, j'avoue. Enfin bref, c'est tous les films qu'on vous recommande pour Noël. Ça se trouve, il y en a plein d'autres, dites-nous. Parce que c'est Noël, vous pouvez aussi faire preuve de l'esprit de partage des fêtes de fin d'année en nous disant sur Twitter, @s5p42, quel film de Noël vous nous recommandez. Et aussi, vous pouvez aussi, encore une fois, faire preuve de l'esprit de partage des fêtes en nous laissant un avis sur iTunes, peut-être, comme vous voulez. En tout cas, on se dit au revoir et on vous souhaite de joyeuses fêtes et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir et joyeux Noël! Au revoir et joyeux Noël et bonne année! Bonne année! The house of boughs of holy, la la la la la la la la la. Tis the season to be jolly, la la la la la la la la la. Don on your gay apparel, la la la la la la la la. House of holy, la la la la la la la la la. Tis the season to be jolly, la la la la la la la la la.